On va parler de hockey. La mise en vente s'est faite jeudi aux Altes des Bleuets, également à Normandin également. Et c'est, la réponse des gens de Dolbeau a été vraiment incroyable. Tous les billets ont été vendus en 4 heures. Et on va parler avec David Lamontagne, le président du hockey mineur. Salut David. Salut Danny. On parle évidemment du match entre les Saguenay de Chicoutimi et les Remparts de Québec. David, es-tu surpris de l'engouement? Comment ça s'est passé? Ben, je suis surpris, oui, puis non. Tu sais, aussitôt qu'on a annoncé qu'on allait avoir une partie des Sags, tu sais, il y avait quand même beaucoup de téléphones quand est-ce que les billets allaient sortir. On avait beaucoup d'appels. Ça fait que c'est pour ça que j'étais assez confiant de vendre les billets, mais les vendre aussitôt que ça, ça m'a surpris un petit peu, là, quand même. Okay. Est-ce que tu aurais pensé que ça aurait pu. Si tu aurais été. Mettons que ça aurait été 1200-1300 à vendre, est-ce que tu aurais été capable de les vendre? Moi, je suis convaincu qu'on les aurait vendus, oui. Okay. Déjà là, les billets sont vendus. Ouais. Et on a quand même une liste, c'est une liste d'attente. Il y en a qui ont quand même donné le nom pour avoir des billets, puis on a plus de billets. Mais si, mettons, il y en a qui cancellent des billets, on a quand même pris des noms en note. Puis moi, je suis convaincu que 1200, 1300, on n'aurait pas une misère avant ça. OK. Donc, est-ce que tu vas penser... parce que le complexe sportif peut... avoir 1200 personnes, ce qu'on dit officiellement. Est-ce qu'on pourrait penser d'en réimprimer? Non, pour l'instant, il n'y a, bon, a rien de prévu. Là. OK. Non. Okay. Parce qu'il y avait quand même des places réservées pour les deux équipes. Là. Okay. Fait que non, pour l'instant, là, c'est les 1000 billets vendus, puis on n'a rien d'autre pour le moment. OK. Donc, est-ce que la liste d'attente est énorme? C'est-tu quand même. Combien il y a de monde sur la liste d'attente? Salut, la liste d'attente, regarde, moi. On a à peu près une quarantaine de noms là, faciles. Là. Puis là, je sais pas les autres pour les autres s'il y avait des noms aussi. Là. Mais c'est ça. C'est pour ça que je suis convaincu qu'on aurait eu 1300 billets faciles. On aurait vendu. Puis en plus, si on avait eu le soir même là, à vendre, je suis convaincu qu'il y en a de dernière minute qui se serait présenté au match. OK. Est-ce qu'il y avait plus de monde à Dolbeau ou à Normandin où c'était pas mal égal? Ben, c'est embêtant. Là. Je sais pas exactement. Qui a vendu la montre d'où qui venait. Je sais qu'à Normandin, on a vendu le soir même, le jeudi soir, à peu près 150 billets. Mais il y a d'autres billets, là, sûrement d'autres personnes qui étaient peut-être à Dolbeau ou quoi que ce soit. Là. C'est assez dur de donner un chiffre pour ça. Okay. Mais c'est quand même il y a quand même beaucoup de monde à Normandin là, qui achètent des billets. OK. Puis bonne nouvelle également, Justin Saint-Pierre va arbitrer le match. Est-ce que vous avez ça ce matin, c'est ça? Oui, Justin Saint-Pierre va arbitrer le match. Il a confirmé ça ce matin. On est bien content. C'est sûr qu'au début, on avait pensé à ça. C'était un petit peu compliqué avec la Ligue. Mais c'est d'ailleurs Justin qui a fait les démarches de son côté. Il était vraiment intéressé à venir arbitrer. Puis on est bien content. OK. Donc, c'est vous autres, de votre côté, ça n'a pas été. C'est pas vous autres qui aviez pensé à ça, là. On y a pensé, on a fait les démarches au début, mais la réponse qui nous avait été donnée, c'était que c'était les arbitres de la Légion majeure du Québec qui arbitraient. C'est qu'on n'a pas été plus loin dans les démarches. Puis c'est Justin de son côté qui a fait les démarches, puis on était bien contents. Ben oui, effectivement. Là, comment ça va marcher? Donc, les gens, les portes vont ouvrir au complexe sportif à compter de quelle heure environ? Puisque c'est à 19h30 le match, donc à 18h, j'imagine? Les heures exactes, je ne peux pas dire présentement. Là. On se rend compte ce soir encore. Mais j'imagine, genre, peut-être 2 heures avant le match. Là, j'en ai pas aucune idée. Normalement, ça ressemble à ça, là, 2 heures avant le match. Ouais. OK. C'est-tu une grosse organisation pour avoir vécu celle de Robertval l'an passé? Ça se passe assez bien quand même. Les Saguenay, ou les Remparts, sont-ils exigeants ou ça se passe bien de ce côté-là aussi? Ça s'est très, très bien passé. Puis le boom est donné. Là, c'est sûr que c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de... un coup que les billets sont vendus, ben c'est il ne reste plus rien qu'à avoir la journée même... on a des bénévoles en masse, puis non, mais le lien entre les SAGS puis notre comité était quand même assez facile. OK, ouais. Donc c'est pas mal la fin. Donc le 25 août de Boom-Sisney. Puisque les questions ont jeté, David, on va parler du côté des inscriptions du hockey mineur. Comment ça va? Je sais que ça va être à 10, c'est déjà le 17, donc c'est de bonheur, c'est plus de bonheur que d'habitude? Un petit peu plus de bonheur. OK. Mais... pas tellement. Toi, m'as dit, c'est sûr qu'avec la partie des Saguenayens la semaine d'après, On a préféré faire l'inscription en fin de semaine, autrement dit cette semaine, parce que, autrement dit, je veux pas, la semaine prochaine, nos heures vont être assez remplies pour la partie. Donc, on a décidé de faire l'inscription les 17-18. En même temps, ben, ça va nous permettre d'avoir le nombre de joueurs le plus tôt possible, puis pouvoir commencer les camps le plus tôt possible. OK. Est-ce que l'AGA va être en même temps? Non, on va décider d'une date pour faciliter un peu, là, vu que les inscriptions sont en même temps à Normandin et à Dolbeau. Okay. À Normandin et à Mistassini, ben, pour permettre aux gens de Normandin de pouvoir venir à l'Assemblée générale, ben, on va choisir notre date, on va l'afficher sur notre site internet. OK, OK. Ben, David, félicitations encore une fois. Je pensais pas que ça allait. J'étais convaincu que 800 personnes allaient être preneurs, mais je pensais que ça serait plus dur que ça. Mais on voit que le buzz des Saguenayens est quand même là. Oui, on voit qu'il y a vraiment un engouement. Puis je suis bien content. Puis en même temps, Dani, si je peux en profiter pour remercier des partenaires là-dedans. Là. Il y a TC Média, Jean Dumofour, Intersport, la ville de Boumsesni, Garmont et Impression. Après ça, la Caisse populaire de Boumsesni, Normandin, c'est grandement apprécié. Puis ça facilite beaucoup la tenue d'un événement comme ça pour le hockey mineur. Effectivement. On les remercie infiniment. C'est de la grosse argent, c'est de la belle argent qui va venir au hockey mineur de Boumsesni. Ça se fait comme à Roberval l'an passé. Ben, c'était très, très apprécié. David, on s'en parle la semaine prochaine pour le match. Parfait, merci beaucoup. Le président du hockey mineur de Boumsesni, David Lamont.